Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le navigateur français et héros de la voile, Éric Tabarly. J'ai toujours aimé les bateaux tout petits, en dehors des soldats de plomb, c'était toujours des bateaux. Puis j'aimais bien que les bateaux qu'on me donne ressemblent à des bateaux. Changer des trucs, parce que les jouets de bazar, ils n'étaient pas tous bien. Éric Tabarly, dans un extrait tiré du documentaire Tabarly, réalisé par Pierre Marcel en 2008, le nom d'Éric Tabarly évoque à lui seul le rêve de la mer et l'amour du monde marin, l'amour des bateaux aussi, vous venez de l'entendre. Grand champion de course à voile, Éric Tabarly a marqué profondément le monde du sport aquatique. Deux fois champion de la traversée de l'Atlantique en solitaire, il détient aussi le record de la traversée de l'Atlantique la plus rapide de l'histoire. Et signe du destin, c'est en mer qu'il va trouver la mort dans la nuit du 12 au 13 juin 1998. Pour nous parler du génie marin d'Éric Tabarly, je reçois mon collègue Joël Lebigot, animateur d'émission « Ça ne dit rien d'autre », amoureux de la mer lui-même. Joël Lebigot, bonjour. Bonjour, bonjour Jacques. Merci Joël d'avoir accepté d'abord de participer à cette série d'émissions où des collègues de la boîte viennent nous parler de sujets qu'ils connaissent, de sujets qui les passionnent. Pour qu'on comprenne bien à qui on a affaire quand on parle de Tabarly, Joël Lebigot, dites-nous ce qu'il représente, ce qu'il a représenté, mais ce qu'il représente toujours pour tous ceux qui s'intéressent à la mer. Tabarly, c'est, si on veut, le chevalier sans peur et sans reproche. Une vie exemplaire, un travail exemplaire, seulement pour la mer et les bateaux, des victoires, des défaites, des records et des naufrages, et surtout à sa mort, du héros qu'il était devenu pour les Européens, pour les Français et même pour les Anglais, il devient une légende. Ouais. Vous avez eu la chance, Joël, un petit mot là-dessus quand même, de le rencontrer, Éric Tabarly. Parlez-nous de cette rencontre-là. Quels souvenirs vous en gardez? Quel genre d'homme il était? Le souvenir d'avoir rencontré Jacques Brel, d'avoir rencontré Brassens, d'avoir rencontré Maurice Richard. On est à côté d'un géant, de quelque chose d'absolument unique. On se demande pourquoi et comment on va pouvoir lui parler, parce que lui demander est-ce qu'il a peur en mer ou est-ce qu'il jette l'ancre la nuit, ça lui déplairait. Alors j'ai essayé de trouver un sujet un peu scientifique, un peu physique des fluides, et je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'inertie des bateaux par rapport à l'inertie des monocoques et des multicoques. Alors là, ça a été une demi-heure de cours, de physique, etc. C'était merveilleux. Et j'en retiens pas grand-chose de ce qu'il m'a dit, mais surtout de l'avoir entendu, d'être près de lui. Et juste après, il y avait un dîner. Et à la fin du dîner, on était près du départ de course. On était à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la course Lorient-Saint-Pierre. Et il devait être à la ligne de départ. Et il est arrivé en retard à la ligne de départ parce qu'il parlait d'un navigateur canadien que personne ne connaît, qui s'appelle Blackburn. Et il connaissait tout sur Blackburn. Il connaissait tout sur Slocum, tout sur la navigation des anciens. Il connaissait tout sur les bateaux, sur les champs de marins. Alors, c'était un monde complet en lui, et lui était pas un rêveur d'océan, c'était pas Moitessier, c'était un coureur d'océan. Ouais. Et son monde, c'est en tout cas clairement l'océan. L'océan et les bateaux, on va y revenir, mais il aime la mer, mais il aime aussi beaucoup, plus encore peut-être, les bateaux. Oui. Et il aura pour ce qui est des Français, un rôle immense dans la reconnaissance de ce monde de la mer, et ça commence avec sa victoire de la Transat en solitaire de 1964. On écoute à nouveau un extrait du documentaire de Pierre Marcel, Tabarly. Pour Tabarly, c'est gagné. Le Pendik 2, le bateau du navigateur solitaire, a été repéré ce matin à quelques heures de marche de Newport. Éric Tabarly gagné la traversée de l'Atlantique en solitaire. Quand j'ai fait cette course transatlantique en 64, je pensais faire ça dans l'indifférence générale parce que jusqu'ici, les Français s'étaient jamais intéressés aux compétitions en mer. Je ne pensais pas du tout que l'ensemble des Français auraient été au courant de cette course. Les Britanniques sont résignés à la victoire d'Éric Tabarly dans la grande course transatlantique. Qu'un Français tout seul distance aussi nettement ses adversaires britanniques est une pilule amère à avaler. Je crois que le consul vient de vous apprendre une bonne nouvelle, non? Oui, excellent, oui. Dites-nous-le. Je suis chevalier de la Légion d'honneur. Et... Vous vous y attendiez? Non, pas du tout, absolument pas. Est-ce que vous attendiez à gagner cette course? Au départ, j'avais beaucoup d'espoir. En cours de route, j'ai à peu près perdu tout espoir quand j'ai cassé mon pilote automatique. Et ce matin, quand on vous a annoncé que vous avez gagné, vous avez été surpris, vraiment? J'ai été assez surpris, oui. Quelle importance est là, cette victoire de la Transat en solitaire de 64, Joël Lebigot? Ben, comme il le dit, les Français ne s'intéressaient pas du tout à la course, d'abord parce que les courses étaient anglaises, d'abord. Les grands bateaux, les grands architectes de bateaux étaient irlandais, écossais, anglais. Quelques Français autour de la Bretagne et de la Normandie faisaient du petit bateau de plaisance, comme on disait. Et tout d'un coup, il y a un homme qui dit, eh bien moi, je peux gagner, j'ai qu'à fabriquer un bateau qui est fait pour cette course, et ce sera ça toute sa vie. Il fabriqua des bateaux pour les courses très spécifiquement. Et il faut dire aussi que pour les Français, depuis la défaite en Égypte à l'époque napoléonienne, depuis la défaite de Trafalgar, il n'y a pas beaucoup de victoires françaises. Vraiment, Trafalgar, ça a été une catastrophe pour les Français. Mais il y a eu de grands navigateurs. Il y a eu Bougainville, il y a eu Marin Marie, il y a eu Alain Gerbaud. Mais ce n'était pas du tout, du tout quelque chose qui intéressait les Français. Et ça commencera en 64. En 64, il y a 15 partants. En 60, 35 en 64, 52 en 72 et 150 en 76, et qui sera la deuxième victoire de Tabarly dans le Star. Ouais. Mais en 64 déjà, cette victoire, c'est la sienne, c'est celle de la France tout entière, vous le disiez, puis c'est pas n'importe qui, là, il bat une autre légende, c'est contre le Britannique Chichester, c'est lui qui le coiffe au poteau, en fait. Et Chichester, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment l'homme du tour du monde, c'est un grand navigateur, et de toute façon, même les Américains sont un peu dans le départ de ces courses-là. On s'intéresse au transatlantique. D'abord, les commanditaires sont absents, mais on va finir par en trouver. En 64, Tabarly est sur Pendwick 2, il s'appelle Pendwick, qui veut dire « mésange à tête noire », c'est un petit oiseau de Bretagne, mais il n'y a pas encore de commanditaires. Alors, la victoire de 64, ça va être tout d'un coup le regard sur un nouveau sponsoring possible, et là, ça va décoller et tout le monde va vouloir faire la course autour du monde. Il y a un homme qui précède 76, c'est Bernard Moitessier. Lui, en 68, s'en va faire la course autour du monde et il ne revient pas. Il décide de ne jamais revenir, ça ne l'intéresse plus. Là, on a un rêveur d'océan, un philosophe qui écrit des livres magnifiques, dont La Longue Route. Mais de l'autre côté, il y a les coureurs d'océan, et Tabarly est un coureur d'océan. Ouais. Et même en 76, quand il part de la course en 76, même en grande tempête, même dans les moments les plus difficiles, il ne parle pas à son bateau, il ne fait pas de poésie. Lui, un bateau, ça doit marcher, ça doit être parfait, et là, il construit des bateaux parfaits. Ben écoutez ceci, Joël Lebigot, vous allez vous régaler, on le suit, dans cette Transat en solitaire de 1976. Pour moi, c'est la Transat en solitaire de 1976 qui me laisse le meilleur souvenir. C'est maintenant l'inquiétude. Les navigateurs solitaires essuient depuis 36 heures la plus violente tempête de l'histoire de la course. Des vents contraires de force 10, soit plus de 100 km/h, des creux de 6 à 7 mètres, une limite au-delà de laquelle il est presque impossible de manœuvrer. Aucun abandon, cependant, n'a été signalé depuis hier soir. Mais il faut bien le dire, ceux qui traversent un moment pénible sont ceux qui ont choisi la route du Nord, la plus courte, mais celle qui est aussi la plus semée d'embûches. La Transat. Tabarly ou pas Tabarly, that is the question à propos de cette course transatlantique. À Newport, où on est dans le brouillard, au propre comme au figuré, personne ne sait où il est pour le moment. Auparavant, Alain Colas a dû s'arrêter, lui, à Terre-Neuve pour réparer son fabuleux quatre-mâts. Eh bien, le bateau a beaucoup souffert dans les tempêtes, mais je crois qu'il a pu être réparé et qu'Alain Colas a pu repartir ce matin. La Marine nationale a décidé d'entamer des recherches pour retrouver la trace d'Éric Tabarly dont on est toujours sans nouvelles. Un appareil brigué atlantique de l'aéronaval est parti pour Norfolk ce soir. Dès demain, il patrouillera 10 heures par jour pour tenter de retrouver Éric Tabarly. Eh bien, fidèle à sa légende, Tabarly a surpris tout le monde. Et tranquillement, ce matin, il est donc arrivé, il est sorti du brouillard et il gagne cette transatlantique. Premier reportage donc en direct sur cette arrivée, François Ponchelet. Effectivement, Jean-Claude Dessier, c'est la surprise, la fantastique surprise. Personne ne s'y attendait, tout le monde attendait Colas pour 8h du matin en local, c'est-à-dire dans 2h. Et puis le magnifique, le splendide, l'élégant catch noir d'Éric Tabarly vient d'arriver. Et il est arrivé sous voile, tranquillement, calmement, avec Éric Tabarly, impérial à la barre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand même, il n'a plus aucun numéro sur sa coque. Il a donc dû souffrir du mauvais temps, puisque ses numéros ont été littéralement effacés par les tempêtes. Et je vous rappelle que Alain Colas est attendu à Newport dans 2 heures environ. Éric, ça a été dur? Oui, c'est une traversée avec des vents vraiment très très défavorables. Il y a eu beaucoup de mauvais temps. Il y a eu 5 dépressions en 8 jours de temps, dont 2 très, très fortes. Et puis alors du vent vraiment sur le nez tout le temps. Vous saviez que vous étiez le premier ? Non. Non, j'avais appris quand ? Pas ce matin, là, juste en arrivant dans le port, avec les premiers qui sont venus à ma rencontre. Et c'est votre plus belle victoire, vous pensez ? Enfin, c'est... En tout cas, je suis bien content. En tout cas, je ne sais pas si c'est la plus belle, mais... Autre extrait du très beau documentaire de Pierre-Marcel Tabarly. Cette course transatlantique en solitaire qu'il remporte, Éric Tabarly, en 1976, c'est sa plus belle victoire? Oh oui, tout à fait. C'est un bateau avec lequel il avait fait le tour du monde, la course autour du monde, 2-3 ans avant. Un bateau qui n'était pas tout à fait prêt. Il avait dématé à 2 reprises. Et après, il s'était dit, est-ce que je fais la course de 76 avec ce bateau? Le bateau était immense. Oui. Il était fait pour 12 hommes d'équipage. Et il va aménager l'avant du bateau pour le renforcer. Il va changer le gréement du bateau, changer des positions de winch. Et il va dire, OK, j'y vais tout seul. Au bout de 3 ou 4 jours, à la 2e dépression, son pilote automatique casse, donc il ne peut plus naviguer et dormir en même temps. Alors, donc ça devient extrêmement difficile. Et il se couche à la 3e dépression, il ne peut plus supporter la chose. Il se couche et il se dit, je rentre à la maison, c'est pas possible. Et le lendemain, après avoir dormi 24 heures, il se réveille un peu mieux, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il repart, il y aura encore 2 dépressions épouvantables. Les ennuis de radio, d'ailleurs, ça ne l'intéresse pas la radio. Alors, ce n'est pas du tout, il n'y a peut-être même pas eu d'ennuis de radio. Peut-être qu'il même pas ouvert le bouton de la radio parce qu'il est dans un autre monde. Hein. Ouais. Alors, il va réussir à lever des spinnakers, des grands voiles, des petites voiles, chaque dépression, et il va faire marcher son bateau. Et quand il y aura la 4e tempête, il va décider d'arrêter, c'est-à-dire il va enlever toute la voilure et il va se coucher puis il va attendre, comme fait Michael Birch. D'ailleurs, Michael Birch était dans cette course, il est arrivé juste derrière Tabarly. Hein. Ouais. C'est la grande course de Michael Birch. Alors donc, il arrive à New York comme ça et avec la barbe pas faite évidemment, et il dit, est-ce qu'il y en a plusieurs d'arrivés? Et on lui dit, non, vous êtes le premier. Incroyable. C'est pour le monde entier de la voile, c'est quelque chose de phénoménal, un bateau comme ça, gigantesque. Je l'ai vu à Saint-Pierre-et-Miquelon, comment un homme a pu diriger, marcher, faire avancer un bateau comme ça, à cette vitesse-là, tout seul. Alors là, on entre dans le début de la légende. C'est un exploit, parce qu'effectivement, je vous écoute, moi qui suis profane de la voile, j'entends que c'est quelque chose d'important, mais ce qu'il fait sur ce bateau-là, dans ces conditions-là, seul, c'est vraiment historique. Ah oui, c'est quelque chose d'absolument remarquable. Là, on peut dire que c'est un surhomme. Vous savez, c'est un homme de 5 pieds 8, les yeux verts, un bloc de granit, un homme fort, extrêmement puissant, un grand sportif. Jusqu'à la fin de sa vie, il va s'entraîner, rester sportif. Sa fille dira d'ailleurs que c'est son idole physique, son père. Et on le voit dans le livre que sa fille a écrit sur lui. C'est un homme absolument remarquable. Ouais. Et puis, il connaît. On oublie de dire que c'est pas seulement un exploit de traverser de l'Atlantique formidable, c'est le super spécialiste. Il connaît tous les morceaux d'un bateau. Il sait exactement quoi faire d'un bateau. Il sait ralentir, il sait accélérer et il sait demander au bateau le maximum de ce que le bateau peut donner. Et ça, c'est remarquable pour les gens de mer. Donc, sa grande course, probablement 76, mais ça ne s'arrêtera pas là. Il y a un autre exploit assez mémorable en 80, cette traversée de l'Atlantique, où il fait tomber le record que détenait l'Américain Charlie Barr depuis 1905. Oui, depuis 1905, c'était la goélette America qui avait le record de l'Atlantique. Oublions pas que ce ne sont pas des bateaux comparables. Hein. Charlie Barr, c'est un bateau de 130 pieds avec 20 hommes d'équipage. Tabarly décide de construire un bateau avec des flotteurs et des foils pour le soulever et il va traverser avec quelques personnes et il va battre le record de 2 jours. Mais vous savez, il a gagné, mais tout le temps, il a gagné en 64 la victoire avec Pendwick 2. Après ça, ça a été toutes les courses de Pendwick 3 et de Pendwick 4, la Transpacifique, la course Tahiti, San Francisco. Il a gagné à peu près toutes les courses. Et je l'ai revu, moi, à Saint-Barthélemy, où il est en double avec un autre. Et encore une fois, la réflexion de son camarade est belle. Tabarly est à la barre, la mer est furieuse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pousse le bateau. Eh bien, ils vont virer à l'envers, ils vont chavirer. Et son copain va lui dire, eh ben c'est beau ça. Alors, mais c'est donc le surhomme, l'homme extraordinaire. Oui, j'entendais sa fille, d'ailleurs, en entrevue, dire « mais il chavirait tout le temps ». Tu sais, ça faisait oui, partie oui, de... Oui, oui, oui. Mais ça fait partie du jeu. Hein. C'est comme Michael Schumacher, tu pars pas pour économiser tes pneus. Oui. On l'a évoqué, son amour des bateaux. L'inventeur magnifique qu'il était, oui. Vous venez de me dire, il décide de construire. Mais c'est ce qu'il faisait. Il décidait de se construire un bateau pour une prochaine course. Ça fait partie du personnage aussi. Il est le premier à avoir, avec Pendwick 3, à faire la Transpacifique avec un bateau et des ballasts, ce qui n'existe que sur les sous-marins. Il est le premier à avoir essayé des bateaux avec des flotteurs à foil, c'est-à-dire des flotteurs avec des tiges qui, tout d'un coup, après une certaine vitesse, sortent de l'eau et le bateau flotte au-dessus de l'eau. Il a mis au point l'hydroptère, mais quand on lui disait ça, il disait, attention, il faut faire attention, en Polynésie, les catamarans, les trimarans, ça a toujours existé. Et il y a eu d'autres avant lui qui ont fait, mais lui a fait avancer la chose de façon magistrale, vraiment beaucoup plus que les autres. Et après, il a même accepté, ce qu'il ne lui plaisait pas, que Paul Ricard, le pastis, subventionne, sponsorise son bateau Paul Ricard pour la traversée de l'Atlantique, mais ce n'était pas évidemment son bonheur, parce qu'il aurait voulu que ce soit un Pendwick, évidemment. Ouais. Parlons-en du Pendwick, parce qu'il revient, tous ces bateaux à peu près vont s'appeler Pendwick, 2, 3, 4, 5, 6. Le grand bateau de sa vie, c'est le Pendwick, celui que lui lègue son père. Racontez-moi cette histoire, l'histoire de ce bateau. Son père a acheté ce bateau avant la guerre, qui s'appelait Hume, qui est un plan d'architecte irlandais qui s'appelle William Fife, écossais-irlandais, là, j'oublie. Et le bateau, après la guerre, n'est plus rien. Il reste absolument rien, c'est une épave. Le père veut vendre le bateau pour la quantité de plomb qu'il contient. Et Eric, qui est tout jeune, lui dit, eh bien, donne-le-moi, je vais le récupérer. Et c'est évidemment impossible, mais le père lui donne son bateau et il va passer toute sa vie, toutes ses économies, tout ce qu'il va gagner à récupérer le premier Pendwick jusqu'à en faire un des plus beaux bateaux qui reste encore au monde. Tabarly est un amateur de bateaux classiques. Hein. Il y a quelque chose là de pas contradictoire. C'est un innovateur, mais en même temps, c'est un traditionnaliste. Et récupérer un bateau comme celui-là, alors il va refaire la coque, il va faire un moulage, ce qui ne s'est jamais fait. Il va reconstruire le bateau avec des amis et chaque fois qu'il gagne un peu d'argent, eh bien, c'est pour refaire ce bateau. Ça durera toute sa vie à 65 quand le bateau est complet, avec sa voilure, avec tout ce qui est d'origine possible, comme le bateau avait été fait en 1898. Et il va, en 1998, décider d'aller à la rencontre de ces vieux bateaux de William Fife, à une réunion où tous seront là, et il va tomber à l'eau à ce moment-là. 100 ans plus tard, et là, évidemment, c'est la stupéfaction dans le monde entier. Moi, j'étais en train de faire l'émission du samedi, c'est Céline Marie Bouchard qui, gentiment, au lieu de l'annoncer aux nouvelles, est venue de l'annoncer en studio. Enfin, c'est une dévastation. C'est terrible. Et un accident bête, évidemment. Ouais, absolument. Évidemment, ils s'attachaient pas, ces gens-là. Hein. Ouais. Ils vivaient avec tous les risques que comprend ce métier-là. Et vous allez entendre dans l'extrait qui suit, qui annonce justement cette catastrophe, vous allez l'entendre, Éric Tabarly. Vous avez vu, je sais, cette émission à l'époque avec Bernard Pivot, mais il en parle de cette manière qu'il avait de naviguer au péril de sa vie. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est en milieu d'après-midi que nous est parvenue l'annonce de la disparition en mer d'Éric Tabarly au large du Pays de Galles. Il n'y a pratiquement aucune chance de retrouver vivant le navigateur passé par-dessus bord au cours de la nuit dernière. En fin de l'affalage de la corde, un coup de roulis, alors qu'on allait la saisir, a provoqué un balancement de tribord sur bâbord. Éric, se trouvant à ce moment-là en train de saisir la voile, debout sur le capot de descente, a été heurté par la corne à hauteur de poitrine et projeté à la mer sur bâbord. Et pourquoi ne portez-vous jamais de harnais de sécurité? Parce que c'est assez gênant pour manœuvrer. Oui, d'accord, mais enfin, il y a quand même des gens qui sont morts, comme... Oui, oui. Bah... Oui, mais bon, moi, je me serais embêté pendant 60 ans avec un harnais. Là, bah, je me suis pas embêté. Le président de la République était à bord de la frégate antiaérienne De Grasse, de laquelle deux élèves de l'école navale ont jeté à la mer une couronne en signe de dernier adieu à son ancien officier. Cet après-midi, ce sont les plaisanciers qui occuperont la rade de Brest pour rendre hommage à leur ami, le navigateur Tabarly. Extrait d'un reportage de France 3 Bretagne diffusé en juin 2018 à l'occasion des 20 ans du décès d'Éric Tabarly dans la nuit du 12 au 13 juin 1998. Je vous signale également que cette musique que vous entendiez dans cet extrait est celle que Yann Tiersen a signée pour ce très beau documentaire Tabarly dont on a entendu quelques extraits dans cette émission. Joël Lebigot, c'est fort ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que ça nous dit sur Tabarly, sur le genre de marin qu'il était? Voyez-vous, quand il dit à Pivot, ben non, je ne m'attache pas, il lui dit oui, mais c'est dangereux, et là, il y a un long silence. Ouais. Et en fin de compte, il avait simplement évalué les choses pour et contre. Est-ce que quand je m'attache, je suis plus en danger que quand je ne m'attache pas? Et on peut dire que pendant 67 ans, il a chaviré, il a fait le tour du monde, il a navigué, il a eu tous les temps et jamais il est tombé à l'eau, jamais il y a eu un accident. Ce qui s'est passé cette nuit-là, parce que c'était la nuit, c'est toujours la nuit qu'arrive ce genre de catastrophe, eh bien, c'est une chose qui aurait pu se produire avec n'importe qui, et même avec le harnais. Peut-être que même lorsqu'il a reçu cet espar, c'est pas une voile, hein, c'est un morceau de bois très fort, très lourd, qu'il a reçu en pleine poitrine. Peut-être qu'il était mort même avant de tomber à l'eau. C'était quelque chose d'absolument violent. Alors, ce que ça me dit, c'est que, en fin de compte, il demeure notre modèle. Des gens comme moi s'attachent sur les bateaux, mais des gens comme lui pensaient que vivre la vie comme un marin l'a toujours vécu, que c'était ça qu'il fallait faire. À la dure, au fond, à l'ancienne. Oui. À la dure, même quand il était à l'armée, parce qu'il a été pilote de l'aéronaval, il a fait son service militaire, il a été lieutenant, capitaine de corvette, et même il faisait suer les gens de sa chambrée parce qu'il dormait, la fenêtre ouverte, parce qu'il voulait s'endurcir, il voulait résister au vent, résister au froid, parce qu'il savait que c'est le métier qu'il avait choisi. C'est assez extraordinaire en ces années-là que le petit garçon de 18 ans jusqu'à l'homme qui meurt à 68 ans, il n'y a eu qu'une idée, c'est-à-dire la mer et les bateaux. C'est pas le vieil homme et la mer, c'est l'homme et la mer. Et pour nous, ça reste encore maintenant, et même pour les navigateurs. Vous savez, les courses à cette époque-là, c'était des courses qui étaient aussi des amateurs. Tabarly n'en était pas un, mais c'était des amateurs. Chacun avec un petit voilier essayait de faire l'Ostar, la traversée de l'océan, parce que c'était notre rêve. Oui. On se disait, ça, c'est ce que font les grands. Donc, on doit faire cette traversée de l'océan. Alors, donc, Tabarly, c'était ça pour tout le monde. C'était l'homme, l'océan, et maintenant, ce sont des super, super Formule 1 qui font le tour du monde en 40 jours. N'oubliez pas qu'on faisait la traversée de l'Atlantique. Tabarly l'a fait en 28 jours. Maintenant, on fait le tour du monde en 40 jours avec des bateaux de 130 pieds, des monocoques, des multicoques. Et c'est donc le monde a beaucoup changé. À l'époque, il était donc très en avant de tout, très en avant de son temps, très en avant aussi des performances. Ouais. Et puis, évidemment, très en avant de l'histoire. Ouais, et très présent dans votre cœur de navigateur, on l'a bien senti tout au cours de l'émission. Je suis en train de me faire construire un Pendwick, le premier. Là, ah bon? Oui. Vous nous enverrez une photo. Joël Lebigot, animateur de l'émission « Ça ne dit rien d'autre », grand amoureux, si on ne l'a pas compris encore, de la voile et de la mer. Merci beaucoup, Joël. Ben, c'est moi qui vous remercie d'avoir parlé de lui. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc et Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.